Amérique du Nord, Algonquin, le lapin et le chat sauvage. Mekatmatowes niaga habibosegan. Il y avait une fois un lapin et un lucifix. Qu'est-ce qu'un lucifix? Eh bien, c'est une espèce de chat sauvage et le lapin est son gibier de prédilection. Mais tous deux sont indiens. Et les Indiens sont aussi des animaux ou quelque chose d'approchant. Quoi qu'il en soit, ce chat sauvage s'était mis à la tête d'une bande de loups voraces et chassait avec eux. Se trouvant à moitié mort de faim et voulant leur donner la mesure de ce qu'il savait faire par un brillant début, il les conduisit au logis d'un lapin, pensant qu'il le prendrait aisément. Mais le lapin était lui-même un habile mtelin, ou sorcier, et l'une de ses spécialités était la prescience des dangers qui le menaçaient, de sorte que, lorsque le chat sauvage parla de le croquer, il l'entendit impeto, ni plus ni moins que s'il le lui avait crié dans ses longues oreilles. Et, étant bien déterminé à ne pas se laisser pincer, il fit du mieux que pouvait faire un mtelin. En conséquence, ayant résolu de s'échapper de chez lui sans laisser de traces ni de fumée, il prit une brassée de larges copeaux, puis, en lançant un devant sa porte, il sauta dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ses copeaux fussent épuisés. Alors il prit ses jambes à son cou et courut comme un enragé, jusqu'à ce qu'il crût que ni traces, ni fumée, ni bruit ne pouvaient plus le trahir. Lorsque le chat sauvage et ses loups arrivèrent au logis du lapin, il n'y avait plus personne. Ils cherchèrent et fouillèrent tout autour, mais ne trouvèrent rien. Les loups étaient une espèce de monde impatient et grossier. Ils s'en prirent au chat sauvage, et lui dirent que s'il avait seulement la moitié de l'habileté qu'il se croyait, il serait assurément quelque chose de mirobolant, mais que pour ce qui était de commander des loups, il croyait que la chasse aux souris ou celle aux marais était bien mieux son fait. Ils le criblèrent d'une foule de brocards de cette espèce, avant de le planter là, fou de colère. Car le chat sauvage a un terrible caractère et est la plus orgueilleuse de toutes les créatures. Mais son obstination n'est pas moindre que sa colère et son orgueil, de sorte que, resté seul, il résolut de poursuivre le lapin et de le dévorer, ou de mourir à la peine. Le moyen qu'il employa pour retrouver l'ennemi fut très ingénieux. Prenant son terrier comme centre, il décrivit autour une spirale qui allait toujours s'élargissant en se fondant sur ce que, s'il la prolongeait suffisamment, il ne pouvait manquer de retrouver les traces du lapin. Et de fait, il ne lui fallut pas un grand nombre de tours de volute pour tomber sur les vestiges qu'il cherchait. Alors, il fut bientôt sur les talons du compère aux longues oreilles. Le lapin, averti par sa puissance magique qu'il était poursuivi, n'en courut que plus vite, et ainsi jusqu'à la tombée de la nuit, qui le surprit presque exténué. Cependant, il n'avait guère le temps de faire ses préparatifs de défense. Aussi se contenta-t-il de fouler la neige, de couper quelques bonnes branches et de se coucher dessus. Mais lorsque le chat sauvage arriva, il vit un joli wigwam et alla y fourrer le nez. Assis auprès du feu, fumant son calumet, se tenait un homme vieux, très grisonnant, d'aspect vénérable, dont la majestueuse prestance était considérablement exaucée par une paire d'oreilles aussi longue que respectable. Sans se donner le temps de souffler, le chat sauvage lui demanda s'il avait vu passer par là un lapin. « Lapin ?» répondit le vieil Indien tout surpris. « J'en ai vu des quantités, car ils pullulent par ici. J'en vois bien au moins une douzaine par jour. » Puis il fit remarquer amicalement au chat sauvage qu'il ferait mieux de se reposer un instant et de faire halte. « Je suis un vieillard, » ajouta-t-il sentencieusement, « un vieillard toujours seul, et un hôte respectable comme vous est toujours une bénédiction. » Le chat, ayant volontiers consenti à passer la nuit dans sa demeure, il continua. « La misérable créature que vous poursuivez mérite sans doute un châtiment exemplaire, mais vous êtes fatigué et vous avez besoin de dormir. Ce ne sera pas du temps perdu et le matin vous vous remettrez en chasse. » Le chat fit un bon repas, puis se coucha près du feu sur une peau d'ours blanc et, comme il avait couru tout le jour, il ne fit qu'un somme jusqu'au matin. Mais lorsqu'il se réveilla, il fut effrayé de se sentir si misérable, car il avait dormi à la belle étoile sur la neige et il était à moitié mort d'inanition. Le vent soufflait comme s'il avait eu des aiguilles pour le transpercer et son sommeil ne l'avait nullement reposé. Il n'y avait pas d'autre trace de wigwam qu'une branche, ni d'autre trace de son hôte que les pas d'un lapin se dirigeant vers le nord. Aussi vit-il bien qu'il avait été ensorcelé et jura-t-il de nouveau de se venger du lapin coûte que coûte. Sur ce, il se remit à sa poursuite jusqu'à la nuit. Alors le lapin, sentant que l'ennemi était toujours sur ses talons, foula de nouveau la neige sur un grand espace autour d'une souche creuse et y sema force copeaux et branchages, car il voyait bien que cette fois il faudrait se mettre en plus grand frais d'imagination. Lorsque le chat fut arrivé, il se trouva dans un grand village indien avec tant de gens qui y grouillaient qu'il ne pouvait pas s'imaginer que ce ne fût qu'une illusion magique. Le premier édifice qu'il rencontra était une église dans laquelle on officiait en ce moment. Il y entra précipitamment et dit à la première personne qu'il rencontra « N'avez-vous pas vu passer un lapin par ici ?» L'homme murmura et répondit « Hush, attendez donc que le service soit terminé. » Alors un jeune homme paraissant appartenir à la meilleure société vint le prier d'avancer encore pour entendre le sermon, ce qu'il fit. Le prédicateur était vieux, tout à fait grisonnant, et ses longues oreilles lui faisaient une espèce de mitre retombant par derrière, comme celle des prêtres russes. Son sermon fut très long et le parut bien davantage à Monsieur le Chat, car il roula entièrement sur la tempérance, la modération, la loyauté et l'oubli des injures, tandis que tout ce qui était férocité, vulgarité et autres vices non moins méprisables était comparé aux vices des loups voraces et des chats sauvages, qui étaient représentés comme alliant la méchanceté du Mitche, diable, à la vilainie du Chonk. Putois. Le chat ne se doutait encore de rien, bien persuadé que personne parmi les assistants ne savait qui il était. Lorsque le service fut terminé, il redemanda au jeune Indien s'il avait vu son lapin. « Des lapins ? » répliqua celui-ci. « Il y en a des quantités chez nous, et vous en aurez autant que vous en voudrez. » « Ils ne sont pas de la bonne espèce, » répondit le chat sauvage. « Ceux dont je vous parle sont tout autres. Moi, je n'en connais pas d'autres que ceux qui courent dans nos bois, » fit le jeune homme. « Mais vous pouvez vous adresser à notre gouverneur ou chef. » Le chef vint saluer l'étranger. Il ressemblait étonnamment au prédicateur, vénérable et très grisonnant, avec deux longs appendices de chaque côté de la tête, qui ne ressemblaient pas mal à des cornes. Invité de la façon la plus aimable, le chat alla rendre visite à ce digne homme, dont les deux filles très jolies lui cuisinèrent un très bon souper, après lequel elles lui apportèrent une belle peau d'ours blanc et une couverture blanche toute neuve, dont elles lui firent un bon lit près du feu. Le blanc est chez les Algonquins la couleur des enchantements. Le triple effet du sermon, du souper et de la course fit dormir le chat dès qu'il fut couché. Mais lorsqu'il s'éveilla au petit jour, il se trouva encore plus misérable que la veille, dans la boue et la neige, au fond d'une souche pourrie de cèdres. Le vent soufflait plus aigre que la veille et semblait se moquer de lui. Mais il mordait au jeu plus que jamais, déterminé à réussir en dépit de toutes les sorcelleries du monde. Cependant, la nuit suivante, lorsqu'il arriva à un autre village indien et qu'on vint au-devant de lui, il ne se douta encore de rien et demanda tout essoufflé. « Avez-vous vu passer un lapin par ici ?» D'une seule voix, on lui répondit « Que voulez-vous dire ?» Alors il raconta à ses bonnes gens tout ce qu'on vient de lire, et heureux de voir que ses humiliations lui donnaient une certaine importance, il grossit considérablement ses infortunes, se donnant lui-même pour le plus persécuté et le plus honnête indien qu'il y eût au monde. Vraiment, on le plaignait beaucoup. Ah oui, un vieillard tout grisonnant, portant de longs, longs anneaux à ses oreilles, avec deux jolies filles, se mit à fondre en larmes. Ils le consolèrent et le prièrent de loger chez eux, de sorte qu'ils le conduisirent à une vaste hutte où brûlait un grand feu au milieu. Dessus étaient deux marmites pleines de soupe avec de la viande, du blé et des fèves. Auprès se tenaient deux Indiens qui en distribuaient à tout le monde, et le chat sauvage eut sa part comme les autres. Tous portaient leurs portions à une longue table où ils festoyaient gaiement, et l'étranger était l'objet d'une foule d'attentions qui le chatouillait agréablement, car il était aussi vaniteux que rusé et féroce. Lorsqu'on eut fini de manger, le vieux chef, qui était très grisonnant et dont la tête était ornée de chaque côté de longues et vénérables plumes blanches, vint souhaiter la bienvenue à l'étranger et, dans un long discours, lui dit qu'il y avait parmi eux une bonne et vieille coutume d'héberger ceux qui venaient leur rendre visite en échange d'une chanson. Notre chat s'imaginait être un grand poète, et comme en ce moment il se sentait inspiré par la haine, elle éclata en un chant de vengeance contre les lapins. « Oh, les vilains lapins, misérables voleurs de grains, comme je les hais, comme je les méprise, comme je m'en ris si je pouvais les scalper tous !» Ce chant eut énormément de succès et le chat, fort excité, déclara qu'à son avis le chef devait chanter aussi. Celui-ci y consentit, mais dit que tout d'abord les assistants devaient fermer les yeux et s'asseoir en courbant la tête. Tous le firent. Alors le chef lapin leva son ptarmigan ou tomahawk. D'un seul bond, se débarrassant de la table avec ses hôtes, il frappa le chat entre les deux oreilles et lui fit une si profonde blessure qu'il en perdit connaissance. Lorsque le chat revint à lui, il se retrouva une fois de plus sur la neige souillée, dans une situation pire que jamais, plus affamé et plus misérable, avec sa tête qui n'était plus qu'une masse de sang figé. Mais, tout mort de froid qu'il était, il n'en était que plus résolu à mettre à mort le lapin. Ce jour-là, il ne put aller bien loin, tant il était faible et souffrant, et le soir, il fut bien aise d'apercevoir deux wigwams. Il alla voir ce qu'il y avait. C'étaient deux jolies filles qui cousaient auprès d'un vieillard très grisonnant qui avait deux flèches empennées dans ses cheveux et paraissait en train d'en confectionner d'autres. Le chat sauvage leur raconta son histoire et le vieillard et les deux filles se montrèrent très compatissants. Ils lui dirent de rester quand même avec eux, qu'il lui irait chercher un docteur dont les soins lui étaient absolument nécessaires, sans quoi il était en danger de mort. Le docteur vint. Il était vieux et grisonnant, et ses boucles de cheveux se profilaient de chaque côté de sa tête d'une façon toute doctorale. Il pansa la plaie et y appliqua un médicament qui soulagea énormément le chat sauvage en lui laissant une impression de véritable félicité. Alors il lui apporta une assiette de massepain et un gentil flacon de vin de liqueur en lui disant de le boire d'heure en heure pour se rafraîchir et recouvrer ses forces. On aurait pu croire que le chat finirait par s'apercevoir de son extrême misère et de ses humiliations. Mais il était encore possible de descendre plus bas dans le malheur, comme il l'éprouva le lendemain lorsqu'en s'éveillant, il trouva son crâne endolori et épouvantablement enflé, pendant que sa blessure, toute large ouverte, avait été soigneusement pansée avec des feuilles de ciguë, des aiguilles de pin et du gravier. À côté de lui était une feuille morte sur laquelle on remarquait une quantité de ces pelotes qu'on trouve dans les gîtes de lapins et tout près une plante cruche de la saison précédente, morte à 7 heures, dont la corolle était remplie d'un liquide qui n'avait d'autre ressemblance avec le vin que sa couleur. Il était véritablement furieux. D'abord, c'était dans son tempérament. Et puis, comme tout allait de mal en pis, il jura dans sa démence que la première créature qu'il rencontrerait périrait, bien déterminé qu'il était à ne plus se laisser tromper par les artifices du lapin. De son côté, le lapin n'était pas lui-même sans avoir épuisé une notable partie de sa puissance de mtelin. Cependant, il lui en restait assez pour jouer une autre partie. Il était arrivé auprès d'un lac et, saisissant un large copeau, il l'y jeta avec l'aide d'une quantité de chouettes qui voltigeaient autour de lui. Lorsque le chat sauvage arriva à son tour, il vit un grand vaisseau qui naviguait. Sur le pont se tenait le capitaine, un beau vieillard à cheveux gris, avec un chapeau à 2 cornes. Mais le chat se défiait maintenant de tout, et il s'écria avec rage « Vous ne me bernerez plus cette fois, à nous deux, monsieur le lapin, et prenez garde à vous !» Ce disant, il plongea dans l'eau et se mit à nager à la poursuite du vaisseau. Le capitaine, abasourdi de tant de témérité de la part d'un animal, ordonna à ses gens de faire feu, ce qu'ils firent. Boum, boum, boum, avec un tapage de tous les diables, et si longtemps que le bruit lui en arriva. Ce bruit provenait des chouettes qui jouaient le rôle de matelots, parce que, lorsqu'elles naviguent en l'air et viennent à se poser, elles poussent un cri semblable à une détonation. L'effet produit sur le pauvre chat fut tel que, trompé et effrayé par cette terrible volée, il tourna immédiatement les talons, ne voulant pas essuyer une nouvelle décharge, et nageant vers le bord, il disparut dans la noire et antique forêt, où il court encore s'il n'est pas mort. G.D.